De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Mais très très bien. Content de te retrouver pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, on va parler émotions, les émotions interdites. Oui, les émotions interdites. Alors, je vous parle des émotions interdites et obligatoires dans la prochaine chronique. Mmh. Et je m'appuie pour ça du livre « Je te comprends pas, sois plus clair » de Christelle Lacour. Alors, sois plus clair, Noémie, les émotions interdites. Oui, alors, il y a longtemps, dans nos premières chroniques, on a parlé de différentes caractéristiques des émotions. Et je vous ai dit que selon notre éducation et notre culture, certaines sont interdites ou obligatoires. Alors, quelques exemples, s'il te plaît. Quelques exemples, eh bien, dans les exemples d'émotions interdites, ça va être le thème d'aujourd'hui, si la joie est interdite dans ma famille ou dans ma culture, c'est par exemple quand on me dit « Non, non, faut pas trop que tu te vantes, attention, sinon ça va créer de la jalousie, etc. Ne crie pas trop fort quand tu as gagné quelque chose » ou des choses comme ça. Ça peut être dit explicitement ou sous-entendu ou montré comme un exemple de comportement. D'accord, ça peut être d'autres émotions aussi. Oui, une colère interdite, c'est souvent auprès des filles qu'on transmet ça inconsciemment en leur disant « t'es pas belle quand tu te mets en colère » ou alors quand on a des traumas du style un membre de notre famille qui crie beaucoup quand il est en colère et du coup, quand on voit quelqu'un en colère, ça rappelle ça à l'intérieur de nous et ça nous fait sentir comme un petit enfant dans la même émotion et dans la même situation où on voyait cette personne crier fort. Et donc, les personnes peuvent avoir mélangé colère, cri, agressivité dans leur cerveau. Et du coup, ça va être une émotion interdite pour elle, interdite de l'exprimer, interdite de la vivre. C'est comme la tristesse aussi. On peut nous dire, mais arrête d'être triste, faut pas avoir peur. Oui, voilà, on peut dire, ça sert à rien d'être triste, ça sert à rien d'avoir peur, t'es une mauviette. Ça, c'est plus vers les garçons que ça peut arriver. Et du coup, c'est une énergie qui est contenue et qui va risquer d'exploser, quoi. Alors, comment savoir si c'est le cas? Alors, de manière générale, vous voulez vérifier si vous êtes OK avec toutes vos émotions. C'est très rare qu'on ait un rapport très authentique et très direct avec nos émotions. Si vous voulez savoir si elle est interdite, c'est que vous faites l'autruche. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous ne la sentez pas en vous, dans votre corps, ou très peu, quand vous l'avez. Vous avez du mal à l'exprimer de manière générale. Vous sentez mal, mais vous ne savez pas dire les mots. Ou vous pleurez, mais vous n'arrivez pas à identifier pourquoi. Vous la supportez mal chez l'autre. Si quelqu'un exprime une colère, vous allez vous éloigner ou vous allez rompre le lien. Ou alors, vous ne l'apercevez quasiment pas ou peu chez l'autre. « Ah bon, t'étais en colère l'autre jour ? Ah ben, j'avais pas remarqué. » Donc, c'est comme si vous créiez une déconnexion, comme s'il y avait une sorte de vitre énorme entre vous et l'autre. Et là, ça pour vouloir dire qu'effectivement, c'est une émotion interdite chez vous. Et ça peut avoir des conséquences, bien sûr, si on ne fait rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous ne vous connectez pas à votre colère, par exemple, vous n'allez pas vous connecter aux besoins qui sont derrière. Puisqu'une émotion désagréable, notamment, vous aide à vous connecter à des besoins qui ne sont pas remplis et à en prendre soin. Donc, vous n'allez pas vous réussir à prendre soin de vous correctement. Et si vous ne la questionnez pas non plus, vous risquez de la transmettre en tant que parent ou en tant que professionnel de l'éducation ou de reproduire des schémas inconsciemment dans votre parentalité, dans votre couple. Il y a sûrement des solutions. Ben déjà, les questions que je viens de vous donner, ça permet de clarifier ça en vous. Le fait de faire régulièrement des météos intérieurs dont on a donné plusieurs façons de faire dans les premières chroniques, ça peut aider. Avant de passer par des mots, on peut passer par plein d'images différentes. Il y a la connexion à son corps aussi. Essayer de sentir, tiens, là, je me sens pas bien. Je sais pas quelle émotion c'est, mais par exemple, ça me serre dans la gorge ou ça me fait comme un poids dans le ventre. Commencer par rentrer dans le corps, c'est une première étape. Et puis aussi, faut pas hésiter à demander de l'accompagnement auprès de professionnels qualifiés. Moi, par exemple, je fais de l'accompagnement. Mais je fais un travail, on va dire, de niveau 1. Là, pour aller creuser les choses dans l'inconscient, dans l'éducation, etc., je vous recommande vraiment d'oser à vous tourner vers des psychologues, psychiatres, des gens vraiment qui ont les compétences pour vous accompagner. Et aujourd'hui, il y a tellement de méthodes, d'outils différents, comme la PNL, l'hypnose, le MDR. Il y a moyen que vous trouviez quelque chose qui vous convienne, quoi. Il y a vraiment un champ très, très large d'outils. Plein de solutions. Merci Noémie. Là, tu nous as parlé des émotions interdites. La prochaine fois, les émotions obligatoires. Oui. Ouh là là. Et je vous rappelle que toutes les chroniques de Noémie, parce que tu as fait référence à différentes chroniques, elles sont toutes en podcast. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter. Merci. À bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.